Chapitre 8e. Ce n'était pas la première fois que de soudaines catastrophes s'abattaient sur les Roumassans de la Guyane. Depuis 20 ans qu'ils habitaient la sauvage immensité, bien des déboires, bien des désillusions avaient été l'unique résultat de projets patiemment élaborés et dont la réussite semblait assurée. La disparition des canaux confiés à la garde du Libéré-Condé constituait pour les colons un désastre sans précédent. Non pas que leurs existences ni même leur fortune présente fussent compromises. Qu'importait d'ailleurs une perte matérielle à ces hommes habitués à toutes les privations, rompus à toutes les fatigues, et auxquels suffisait largement le frugal ordinaire du mineur et du chasseur. Mais c'était l'ajournement du plan colossal conçu dans l'intérêt général. C'était l'immense région baignée par le Maroni déserté pour longtemps peut-être. C'était la grande forêt condamnée au silence, c'était l'or immobilisé dans les criques opulentes et la colonisation empêchée, c'était enfin l'œuvre de civilisation complètement entravée. Faudrait-il retourner en France, racheter cette cargaison sans prix en Paris-Lieu, et passer encore une année d'attente stérile, une année, un siècle à notre époque, où plus encore que les morts de la balade, les vivants vont si vite. Robin, d'un seul coup d'œil, embrassa l'importance du désastre et en mesura toutes les conséquences. Le vol des canaux ne produisait pas dans son esprit l'ombre d'un doute. L'hypothèse d'un sinistre quelconque devait être immédiatement écartée. La flottille ne se fût pas abîmée tout entière sans laisser de traces, quelque imperceptible qu'elle fût, pouvant échapper aux yeux infaillibles des Robinson. D'une part, l'ingénieur ne pouvait révoquer en doute l'honnêteté de Condé. L'ancien transporté avait donné, même avant sa libération, d'indiscutables gages de fidélité. À qui donc attribuer alors ce coup de main audacieux? Dans quel but avait-il été exécuté? Quels étaient enfin les êtres assez téméraires ou assez puissants pour oser s'attaquer à des hommes tels que Robin, ses fils et leurs noirs auxiliaires? Pendant que le léger canot filait sous les flots du Maroni et que la toux saccadée de sa machine déchirait les couches d'air brûlantes, les Robinson fouillaient de regards avides les berges qui s'enfuyaient. Leur chef songeait. Un gémissement plaintif du blessé le fit tressaillir. Du Vallon était enfin sorti de l'état léthargique où il se trouvait depuis le moment où Charles et Nicolas l'avaient ramassé au pied du Panacoco, la poitrine trouée d'une horrible blessure. Son étonnement de se trouver encore au nombre des vivants n'avait d'égal que la gratitude qu'il témoignait à ses sauveurs. Charles venait de lui raconter à voix basse les dramatiques incidents consécutifs à la mystérieuse tentative dont il avait été victime, l'incendie du placer, l'inondation, les péripéties du sauvetage, sans oublier les mystérieux emblèmes attachés la nuit au tronc de l'arbre qui les abritait. Le directeur du placer, incapable de répondre, n'avait pu que témoigner sa reconnaissance en serrant faiblement la main du jeune homme. Nicolas, plus expert en médecine coloniale que tous les piailles rouges et noires de la région équinoxiale, venait de lever l'appareil de la blessure. Il lava la plaie et la recouvrit d'une poignée de coton imbibée d'essence de sassafras. Le contact du liquide aromatique, essentiellement cicatif et antiputride, avait procuré un soulagement immédiat au créole qui s'était aussitôt endormi. Son sommeil avait duré 2 heures. La fièvre l'éveilla, fièvre assez légère pour l'instant, et dont Nicolas espérait atténuer le retour par l'absorption d'une copieuse dose de quinine. Robin avait tressailli en entendant la plainte. À tort ou à raison, il ne pouvait s'empêcher de voir d'intimes corrélations entre la tentative d'assassinat et l'enlèvement de Condé. Il s'approcha du blessé, hésitant à l'interroger. Celui-ci, avec la finesse d'intuition particulière aux fiévreux, sembla comprendre ce qu'on voulait de lui. « Pouvez-vous m'entendre ?»« Et vous répondre ?» dit-il d'une voix faible comme un souffle. « C'est que votre situation exige les plus grands ménagements. Je crains de vous fatiguer. »« Non, je n'ai pas encore beaucoup de fièvre. Je suis lucide. Parlez. Vous connaissez-vous des ennemis, ou tout au moins des envieux ?»« Non. » »« Quelqu'un avait-il intérêt à votre mort ?»« Non. Bien au contraire. Le placer réussite ne pouvait guère marcher sans moi. » L'intérêt de tous mes employés était que je vécusse. Vous rappelez-vous les circonstances qui ont accompagné l'instant où vous fûtes frappé? Du Vallon sembla faire un laborieux appel à ses souvenirs. Il raconta d'une voix faible et entrecoupée le refus de travail des ouvriers, les bruits mystérieux entendus pendant la nuit, la mutilation des instruments, les embûches semées sous les pas des travailleurs et la mort terrible de l'un d'eux. Ma conviction est que j'ai eu affaire à des voleurs d'or. Les Suisses ont fonctionné la nuit. Mais quels sont ces voleurs? Je n'ai jamais vu sur le placer aucun homme étranger à l'exploitation, sauf quelques Indiens qui ne faisaient que passer. Vous n'avez rien remarqué d'insolite à leurs allures? Non. Pourtant l'un d'eux, un grand vieillard à cheveux blancs, un colosse, avait une physionomie terrible à l'expression inoubliable. Il errait près des criques, et à l'encontre de ses compagnons, il ne buvait jamais de tafia. Depuis 15 jours, nous ne l'avons pas revu. Vous sentez-vous fatigué? Non. La fièvre me soutient. J'ai encore 2 mots à vous dire. Qui sait si je pourrais parler demain? Après avoir brièvement raconté les premiers incidents relatifs à sa veillée au pied du Panacoco, il continua en disant « Je fis feu dans la direction où luisaient les 2 yeux. J'entendis un cri terrible, puis il me sembla qu'une montagne de chair s'écroulait soudain sur moi. Je sentis parfaitement l'impression d'un épiderme froid, humide, visqueux plutôt. 4 hommes réunis n'eussent pu égaler en poids ni en volume l'être étrange qui m'étouffait. Cette impression dura 2 secondes à peine, puis je sentis un choc violent dans la poitrine. Je m'évanouis, mais pas assez vite cependant, pour que je ne visse une forme noire que je prendrais volontiers pour celle d'un homme, glisser le long d'une liane tendue entre le sol et les basses branches. On eût dit une araignée colossale accrochée à son fil. « Et c'est tout ? C'est tout ?» termina le blessé, épuisé par ce dernier effort. « Je ne sais rien de plus. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, croyez à ma bien sincère gratitude. » L'ingénieur allait lui répondre par quelques paroles cordiales. Quand un charivari intense retentit sur la rive que frôlait la coque du canot de papier. Quelques carbets et mérillons apparaissaient en même temps au milieu d'une éclaircie formée par un vaste abatis. Nicolas renversa la vapeur et l'embarcation stoppa. « Des Indiens ? » dit Charles. « Peut-être pourront-ils nous renseigner ?» Puis il sauta lestement à terre, accompagné de son père et de son frère Henri. « Allons, la paix, on ne s'entend plus, » dit-il à 2 peaux rouges, qui munit chacun d'une large boîte à saindoux en fer blanc, frappée à tour de bras devant un grand carbet. « Que faites-vous là, à cogner comme des sourds ?»« Ça vous empêche, Yolo, prend grand moun et petit moun. » Il y a des malades, et ces malheureux chassent le malin esprit. Entrons. » Ils pénétrèrent dans le carbet, rempli d'une épaisse fumée produite par des herbes aromatiques, et trouvèrent une Indienne accroupie sur le sol. Elle tenait sur ses genoux un enfant de 5 à 6 ans qui semblait mort. Jamais visage humain ne refléta une expression de douleur plus poignante que celle répandue sur les traits de la femme. Celle-ci, la mère sans doute, une mère seule, peut souffrir ainsi devant un cadavre d'enfant. Contemplait, altéré, le petit être dont les lèvres bleues se couvraient d'une écume épaisse. Elle aperçut les blancs, se leva d'un bond, tendit le mourant à Henri comme pour dire « Sauvez-le !» tant est grande la confiance inspirée par les Européens à ces primitifs enfants de la nature. Puis, les yeux ardemment fixés sur le jeune homme, épiant tous ses mouvements, elle attendit, suspendue à ses lèvres, haletante, transfigurée. Une des jambes de l'enfant était huméfiée et noirâtre au mollet. Une bouille sanglante de chair et de viscères écrasés formée en plâtre sur la moitié du membre. Cet enfant vient d'être mordu par un serpent, dit Henri, familiarisé avec les coutumes de tous les habitants de la forêt. La mère a tué le serpent, l'a broyé et l'a appliqué en guise de topic sur la plaie. Le petit blessé est perdu, pauvre mère. Non, s'écria Charles, attends-moi, 2 minutes. Il bondit vers le canot, ouvrit précipitamment une petite caisse, en tira une pharmacie de voyage et revint en courant. « Il n'est pas mort, n'est-ce pas ?»« Non, le pouls est encore sensible. »« Bien, allonge-le sur le sol, la tête un peu plus élevée que le corps. » Sans perdre une minute, il débouchait un flacon de verre bleu, bouché à l'émerie, et tirait d'une boîte doublée de velours violet une petite seringue de Prava, en cristal, un piston d'argent gradué et terminé par une fine aiguille d'acier formant canule. Il emplit la seringue jusqu'au tiers avec une solution renfermée dans le flacon, enfonça sous la peau de la cuisse la canule et poussa le piston. Quelques gouttes de la substance pénétrèrent sous la couche épidermique et furent absorbées aussitôt. Il répéta son opération au tronc ainsi qu'à l'abdomen et injecta de la sorte environ 2 cm3 de liquide. Puis il attendit. La mère, debout, rigide, comme cataleptique, avait suivi du regard cette mystérieuse opération. Son œil, dans lequel la vie semblait s'être concentrée, ne quittait pas l'enfant. 5 minutes s'écoulèrent, 5 minutes de nouvelles angoisses. Puis elle poussa un cri et fondit en larmes. Le petit moribond venait d'ouvrir les yeux. « Il est sauvé !» dit Charles joyeux. Dans une heure, il pourra marcher. Demain, il sera radicalement guéri. » Robin et Henri, stupéfaits et radieux, n'en pouvaient croire leurs yeux. « Charles, mon cher enfant, tu as donc trouvé un remède héroïque pour guérir la morsure des serpents et des plus venimeux. Car celui-ci est bel et bien un serpent à sonnette, un vulgaire crotal, comme tu peux le voir aux anneaux cornés adhérents encore à la peau. Mais ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette découverte. Je n'en suis pas moins heureux de l'appliquer. » Et la substance qui a servi à ton injection hypodermique se nomme le permanganate de potasse. Tu rapportes cette admirable découverte de Paris ? Oui, père. De Paris en passant par Rio de Janeiro. Comment cela ? J'étais au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Un article du journal d'hygiène du docteur Pietrasanta, un journal sérieux, me tombe sous les yeux. J'y vois que le docteur de la Cerda avait trouvé un contrepoison au venin des serpents en faisant des expériences au laboratoire de physiologie du Muséum de Rio de Janeiro. Ce contrepoison, c'est le permanganate de potasse dont l'action contre les ferments était connue depuis longtemps, sans qu'on eût songé à l'employer au traitement des morsures venimeuses. Les expériences ont été faites sur des chiens que l'on a fait mordre par des serpents du genre cobra, Dibotrops juraraca. L'on a toujours réussi à sauver ces animaux, tandis que d'autres chiens mordus de même et non traités sont tous morts. Le traitement consiste, ainsi que je viens de le faire, en l'injection hypodermique d'une solution de permanganate de potasse au centième, soit 1 g/100 d'eau distillée. C'est admirable et peu coûteux, non moins qu'infaillible. Vous voyez le résultat de ma première expérience. L'enfant, en effet, avait repris connaissance pendant cette courte et intéressante dissertation physiologique. Il souriait à sa mère, qui pleurait d'attendrissement, et jetait sur les blancs de doux regards de reconnaissance. Sur ces entrefaites, l'épaisse fumée répandue dans le carbet s'étant dissipée, Robin et ses fils aperçurent un mac accroché assez haut, et dans lequel une créature humaine, allongée en diagonale, geignait plaintivement. « Qui ça, Moudla ? Qui était là à côté à mac ?»« Ça, mon homme, » répondit doucement l'Indienne. « Eh, compé, et comment Tofika ?»« Oh, moqué malade, malade trop beaucoup. »« Oh, » répondit une voix sortant du hamac. Puis, l'homme voyant qu'on s'occupait de lui, se prit à hurler comme un singe rouge. « Allons, compé, » reprit l'ingénieur, « dis-moi qu'est-ce que ça t'a gagné ?»« Ou pas boué, mo kamala, mo femme qu'a fait piti moun. » Une exclamation de surprise douloureuse échappa au blanc en entendant cette réponse stupéfiante. Il connaissait cette particularité de l'existence indienne, mais jamais il n'avait eu l'occasion de la vérifier. C'était donc vrai. Au moment où l'épouse devient mère, au moment où les saintes fonctions de la maternité lui concèdent plus que jamais le droit au respect et aux soins du mari, celui-ci, oubliant tout devoir, joue l'indigne comédie dont les trois blancs étaient témoins. En effet, et les voyageurs les plus consciencieux s'accordent à relater cette coutume barbare, entre autres, Leblond, Schomburg, Vidal, le commandant Bouillet et le docteur Crevaux. Quand la femme accouche, c'est l'homme qui s'allonge dans le hamac, geint et se lamente pendant une dizaine de jours. Aussitôt après sa délivrance, la femme, cette pauvre martyre de tous les instants, qui, dans ce douloureux moment, n'a reçu aucun soin de qui que ce fût, se rend au fleuve, baigne le nouveau-né, se baigne elle-même et revient brisée, donner à son mari les soins que nécessiterait son propre état à elle-même. Elle entretient le feu d'herbe odorante sous le hamac, veille aux soins du ménage et apporte au misérable fainéant le matété, une sorte de breuvage reconstituant, remplaçant la rôtie au vin de l'accouché bien connu de nos mères. Ce serait grotesque si ce n'était monstrueux. Et cette pauvre mère, dont le nouveau-né, à peine âgé de 4 jours, bagissait dans son petit hamac, avait pu tuer le serpent qui avait mordu son aîné. Elle avait trouvé dans son amour la force de l'assister dans son agonie, après avoir rempli les prescriptions indiquées par les superstitions de sa race. Le petit blessé venait de s'endormir bercé par une de ces plaintives mélodies indiennes murmurées par sa mère. Le moment était venu d'interroger celle-ci et de lui demander si elle avait aperçu les 3 grands canaux. La pauvre femme, tout entière à sa douleur, n'avait rien vu, non plus que les 2 Indiens pontifiant un grand coup de gourdin sur les boîtes à Saint-Doux pour chasser le malin esprit. Les Robinsons, heureux de leur bonne action, allaient se retirer après avoir déposé dans le carbet quelques menus bibelots avec des provisions, quand l'Indienne se leva et appela à haute voix « Matao, Matao !» Un aboiement bref lui répondit, et un chien de petite taille entra en frétillant de la queue. « Vous poursuivez des voleurs, » dit-elle dans son langage, « des méchants qui veulent vous faire mal à vous si bon. » Puis, s'adressant plus particulièrement à Charles, « Vous avez sauvé mon enfant. La femme rouge est pauvre, mais son cœur est riche de reconnaissance. Ce qu'elle a de plus précieux est son chien. Prenez Matao, il est doux et fidèle. C'est le meilleur chien de la rivière. Il est lavé pour tous les animaux. Il chassera avec vous. Mettez-le sur la piste des voleurs. Il les trouvera. Il sera votre gardien dévoué. Il veillera sur votre sommeil et rien ne pourra jamais tromper sa perspicacité. » Elle prit entre ses bras le chien, le souleva, le mit entre les bras de Charles en disant « Matao, ce blanc est votre maître, aimez-le, obéissez-lui comme à moi-même. Et maintenant, adieu. Le souvenir des blancs habitera toujours mon cœur, qu'ils pensent quelquefois à la mère qui leur doit la vie de son enfant. » Les Robinson, émus de cette offre touchante et de la délicatesse du procédé, regagnèrent lentement leur canot après avoir promis à l'excellente femme de la venir voir au retour. Charles avait déjà déposé à l'arrière son nouveau compagnon un peu dépaysé. Nicolas, à son poste de manœuvre, n'attendait plus que le commandement pour faire machine en avant, quand l'Indienne, portant un gros oiseau, les deux ailes entrecroisées sur le dos, apparut sur la rive. « Tenez, prenez encore cette bernache. Elle est apprivoisée. Elle est plus vigilante peut-être que le chien. Ce sera pour vous la meilleure sentinelle. » Puis il disparut en courant au moment où le canot reprenait sa course. Lomi et Bachelico, les deux plus fins chasseurs du haut Maroni, firent au chien un accueil particulièrement distingué, sans oublier la bernache dont ils vantèrent hautement les qualités. Lomi, qui connaissait toutes les légendes de sa tribu, raconta que les bernaches avaient plus d'une fois préservé par leur vigilance les bonis des attaques des Boches et des Oyakoulais. Boni, le héros de la Kotika, était toujours suivi de bernaches apprivoisées qui l'avertissaient par leurs cris de l'approche des soldats hollandais. « Qu'est-ce donc que la bernache ?» demandera non sans raison le lecteur européen qui peut avoir oublié l'histoire naturelle. La bernache est tout simplement le congénère de ces braves palmipèdes qui sauvèrent la République romaine quand les Gaulois, maîtres de Rome après la victoire de l'Allia, mettaient le siège devant le Capitole. C'est une oie. Vous voyez que la race n'a pas dégénéré et que les ombres des sentinelles de Manlius Capitolinus peuvent être fiers à juste titre des exploits accomplis par leurs arrières descendantes. L'oie est donc l'oiseau de l'indépendance. C'est de tradition sur les rives du Maroni comme sur celles du Tibre. En conséquence, nous ne pouvons, en raison des mérites de cette excellente bête, ne pas lui consacrer quelques lignes spéciales. La bernache, qui comme l'oie ordinaire, possède à ses heures dans son thorax de palmipède le cœur d'un héros, se distingue d'elle par un bec court, convexe et comme tronqué, dont les bords sont garnis de lamelles internes, ne paraissant pas à l'extérieur. Elle a le dos varié de gris cendré et de noir, le front, les côtés de la tête et la gorge d'un blanc pur, tandis que l'occiput, la nuque, le cou, le haut de la poitrine, les rémiges et la queue sont d'un noir parfait. Elle habite les contrées tempérées du cercle arctique, on la trouve en Europe, et aussi dans les régions intertropicales. Elle est également très commune en Égypte, où on l'honorait autrefois d'un culte particulier, à cause de son attachement pour ses petits. Elle est très facilement domesticable et manifeste bientôt pour son maître un attachement égal à celui de la gamie. La bernache des Robinson, élevée près du chien Matao, faisait naturellement très bon ménage avec lui. Une poignée de couacs délayée dans un peu d'eau acheva de la familiariser avec ses nouveaux maîtres dont elle devint aussitôt la favorite. Quant à Matao, effrayé tout d'abord par le bruit et le mouvement de la machine, il s'était mis à hurler plaintivement, mais n'avait aucunement tenté de se jeter à l'eau pour regagner la rive. Il semblait que l'intelligent animal, comprenant les recommandations de sa maîtresse, eût voulu s'y conformer rigoureusement. Il fit deux ou trois tours sur lui-même, s'enroula entre les jambes de Charles, sur les pieds duquel il appuya doucement sa tête. Matao était le prototype de cette curieuse race de chiens indiens que les peaux rouges dressent avec une inimitable patience et qui accomplissent des prouesses capables de stupéfier tous les chasseurs. Ce fidèle et indispensable compagnon de l'autochtone de l'Amérique équinoxiale ne ressemble aucunement au chien ordinaire. Il est de petite taille et tient du chacal, dont il possède le museau allongé et un peu déprimé, les oreilles droites et pointues, le pelage fauve et la queue touffue. Il n'est ni beau ni aimable envers l'étranger, Mais quelle bête sans pareil! Quel flair impeccable, quelle vigueur, quelle docilité! Véritable alter ego du braconnier sauvage, dont le territoire de chasse s'étend sur 60 000 lieues carrées, silencieux ou bruyant, lent ou rapide, attaquant ou s'enfuyant, quittant la forêt pour la savane, la montagne pour le marais, selon ce qu'on lui commande. Jamais en défaut, rivé à toutes les pistes, connaissant toutes les ruses de tous les gibiers, jamais là, et n'ayant jamais ni faim ni soif, tel est le chien indien. Chassant indifféremment sur terre, sur l'eau, sur les arbres, tous les animaux du pays, il dépiste le singe comme le tapir, le paque et le cariacou, le tigre ou le hoco, le poisson ou la loutre, aussi bien que le caïman, et l'homme lui-même si besoin en est. Aussi, l'Indien est-il toujours assuré contre la fatale bredouille, si redoutée des chasseurs de tous les pays. En effet, son chien rivé à une trace, rencontre-t-il une de ces petites tortues de terre si savoureuses, que sans se déranger d'une ligne, sans s'attarder d'une minute, il sait d'un adroit coup de patte combiné avec un mouvement du museau retourner sur le dos le chélonien qui ne peut plus s'enfuir. La chasse terminée, le gibier abattu, il reprend son contre-pied et ramène près de chaque tortue son maître qui fait une abondante récolte. On conçoit sans peine que pour le Peau-Rouge, un tel auxiliaire soit sans prix. On a vu des Indiens résister à toutes les sollicitations, refuser jusqu'à 100 litres de tafia, un fusil, des munitions, etc., plutôt que de se séparer de leur chien. Aujourd'hui que, grâce aux exploitations rifères, les communications sont plus fréquentes entre le haut et le bas Maroni, on peut, mais très exceptionnellement, se procurer un chien pour une somme variant de 200 à 300 francs. C'est que l'Indien éprouve pour donner à cet animal une éducation aussi complète, des difficultés inouïes dont son incroyable patience peut seule triompher. Les procédés de dressage sont assez extraordinaires. Il prémunit tout d'abord son chien contre la morsure du serpent en l'inoculant selon la coutume employée en Guyane pour les hommes. Veut-il ensuite le dresser à chasser un gibier quelconque, il se procure l'animal, paque, agouti, oco, etc. Il prend les os, les calcine, les concasse, les mêle avec certains ingrédients connus de lui seul et bourre avec cette substance le nez du chien en se servant d'un petit bâtonnet. Cette opération renouvelée pendant un mois environ et alternant avec des chasses, a pour propriété, dit l'Indien, de familiariser son élève avec chaque variété de gibier. Quand il sait poursuivre sans erreur possible le fauve spécialement étudié, le Peau-Rouge lave son chien pendant plusieurs jours avec des produits de macération dont il a seul le secret et dont la formule variable s'applique à chacune des espèces de fauves. Ainsi, tel chien est lavé, c'est l'expression propre signifiant dressé, pour le jaguar, tel autre pour l'agouti, tel autre pour le cariacou. La plupart sont lavés pour tous les animaux de la région. Tel était Matao, le nouveau pensionnaire des Robinson de la Guyane. L'Indienne leur avait fait, dans la situation présente, un cadeau d'une valeur inestimable, et l'excellent animal allait avant peu légitimer la brillante opinion que son ancienne maîtresse avait donnée de lui à ses bienfaiteurs.